animal, animal. Pour un délire de faire un plus qu'un ayukana, bouge-moi tes orteils, bouge-moi pas tes oreilles. Mon son emménage dans tes synapses sans te ménager. Tu t'encroutes comme du fromage, je vais te râper. Tu voudrais me jeter à la corbeille, mais je passe travers les gouttes. Car quand on vient des gouttières, on n'a pas des réflexes de cave. Respecte aucun palier, soit pied au plancher. Pour swinguer jusqu'au tringue, c'est pas un bal pour batringue. Si tu te laves les mains avant de manger, je vais tirer le rideau sur ton assiette. Prépare-toi à chanter le fado pour les miettes. Un bon festin est un félin qui dans l'instant de ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui dans l'instant de ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui dans l'instant de ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui dans l'instant de ta tête avec ton savon, avec ton savon. Maman, maman. Je vais t'apprendre ce que c'est qu'une tête brûlée. T'es trop habitué au réchauffé. Y'a trop de brillant dans tes paroles pour faire la chaîne sur toi brûlant. Tu me fais rigoler au compte-goutte à te prendre pour un poids de gouttière. On va te rincer dans le style piscine. Mets ton Alain Delon. Ton carrosse va prendre le bouillon. Tes carottes sont cuites à la sauce Toulon. Tu vas être plus cramé que Jacques Toubon. À vouloir cuisiner ton comme un convesse d'un tour. Maintenant c'est l'heure du ronron. Plutôt que d'être un maillot de la chaîne, je me déchaîne et gratte tout comme des tickets d'euro million. Moi c'est pas mal et pas de malgré ça quitte de kick de la part de Kat. Tes yeux blancs savoureux, vois le chavour de l'endoureuse à me régaler. Sur tes plantes grappant pour pas grincer des dents. Ma geste est dans la montée. T'es là dans la maison pour l'escalade de publicité. J'ouvre les vannes sans toucher à tes robinets. Plus de swing que toute la savane dans tes casseroles, je mets mes coussinets. Un bon félin est un félin qui te laisse dans ta tête avec ton savon. Un bon félin est un félin qui te laisse dans ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon félin est un félin qui te laisse dans ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon félin est un félin qui te laisse dans ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon faisant est un félin qui dans l'instant de ta tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon faisant est un félin qui dans l'instant de ta tête avec ton savon, avec ton savon. Jusqu'à te donner envie de relire le Goemio. Ce soir tu peux être tranquille et aller au resto. Mes conseils de chat, emmène ton savon. Sinon je l'utilise pour jouer au poteau entre deux chats de mulot. Et dépêche-toi de rentrer que je puisse danser sur tes poumons. Car passer le festin, appelle un débat fait pour te laisser en tête à tête avec ton savon. Passer le festin, appelle un débat fait pour te laisser en tête à tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui te laisse en tête à tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui te laisse en tête à tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui te laisse en tête à tête avec ton savon, avec ton savon. Un bon festin est un félin qui te laisse en tête à tête avec ton savon, avec ton savon.